111e leçon. La routine. Que le temps passe vite. Jean-Michel et Claude sont à Paris depuis 2 ans. Et ils commencent à tomber dans la routine. Ils n'ont pas pu prendre de vraies vacances, ni l'un ni l'autre. À présent, avec l'arrivée des beaux jours, ils rêvent de partir loin de Paris. Métro, boulot, dodo. Je commence à en avoir marre. Ça te dirait de quitter Paris pour quelques semaines ? Bien sûr que ça me dirait. Nous n'avons pas pris de vacances depuis bientôt 3 ans. Marché conclu. Il nous reste seulement à décider où et quand. Nous sommes obligés de partir pendant les vacances scolaires. Donc, est-ce qu'on va être juilletiste ou aoûtien ? Partons plutôt en juillet. Il y a moins de monde, me semble-t-il. Il me semble aussi. D'accord pour juillet. Maintenant, quel pays ? Et si nous restions en France ? On pourrait faire du tourisme vert. Pourquoi pas louer un gîte dans un endroit isolé, la France profonde, et faire de la randonnée pédestre ? Rien ne nous empêche de faire des balades en voiture pour visiter les environs. Et on serait tranquille. Tiens, tu te souviens du petit village en Auvergne où on s'est arrêté pour déjeuner il y a 5 ans ? Montézic, bien sûr. C'est un coin ravissant. Et que dirais-tu si j'écrivais au syndicat d'initiative pour demander des renseignements ? Je dirais que tu as eu une idée de génie. Je vais tout de suite chercher le numéro de téléphone sur le Minitel. Exercice. Que le temps passe vite. Ça te dirait de venir dîner à la maison ce soir ? Avec grand plaisir. J'en ai marre de cette routine. Il me semble qu'il y a moins de monde aujourd'hui. Il me semble aussi. Pourquoi ne pas partir en août cette année ? Pourquoi pas ?